qui va s'ébranler dans quelques secondes. Tous les SS sont penchés à la fenêtre, le bras tendu. Sur le quai, la foule chante la Marseillaise, le bras tendu. On ne peut pas décrire l'atmosphère qui règne ici, c'est plus que poignant. Il suffit de les écouter. Septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne, voulant détruire la beauté d'un peuple qui avait su s'élever. Des croix gammées dans les stades, des Edelweiss sur la montagne, et dans les cieux, l'aigle impérial jamais ne cessera de voler. Meilleurs fils de France prêtèrent serment à leur fureur jusqu'à la mort, unis dans le destin offert à tous les peuples européens. Gare de l'Est, le train démarre, les femmes vous embrassent fort, couverts de fleurs, le regard fier, et cesse pour forcer ton destin. Coïncidence émouvante, dans ce même train passe un contingent de Waffen-SS. Absolument couvert de fleurs. Le contingent Waffen-SS part en croisade dans la Liesse. Certains n'ont que 15 ans quand ils rejoignent le front de l'Est. Mais les vagues d'ennemis dans les neiges de Poméranie vont bientôt submerger les chevaliers français. L'Europe nouvelle est écrasée, la vermine juive a triomphé. Adolf Hitler rejoint les cieux, il siège à la droite de Dieu. La guerre est terminée, 12 DSS sont capturés. Mais l'injustice des alliés ne leur fera pas de pitié. C'est pourquoi que je me suis engagé à la Waffen-SS pour aider les camarades pour ramener cet ordre nouveau en France. Je suis content d'aller dans les SS et j'espère qu'on bat pour la France. Et 4 mois je suis à la SS maintenant. Mais le fils de pute de Leclerc s'empare de ses héros de guerre et leur reproche de porter un uniforme étranger. L'un d'eux réplique à ce vaurien que lui est en américain. L'insolence du jeune hitlérien en nos mémoires jusqu'à la fin. Vindicatif et amer procède au massacre sommaire des 12 Waffen-SS français sans tribunaux et sans procès, fusillés par ces enculés. 4 à 4 sans être inhumés, 12 impacts de balles sur ce mur de Bad Reichenhall. Paul Briffaut, la Waffen ou le STO, il n'avait pour seule volonté que de se battre pour ses idées, quittant son chaud pays niçois pour vivre là. Bérézina, le jeune lieutenant de 27 ans, ne verra jamais son enfant. Il s'appelait Raymond Pabras, s'était engagé pour la race, pour un ordre nouveau où le juif n'aurait plus sa place. National-socialiste contre les communistes, à 22 ans, assassiné, la tête haute, le bras levé. Nous n'avons pas, les uns et les autres, ce que nous avons fait, à titre personnel et à titre collectif. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons fait. Nous ne sommes pas indignes. Mais si les autres le pensent, le principal est que le regard que l'on porte sur ceux qui étaient avec nous hier, de pouvoir dire, c'était déjà bien, que je les admire. Je pourrais vous dire ça de Fenet, de bien d'autres. Ce sont des gens que j'aime, c'est ma famille, c'est ma deuxième famille, c'est ma famille spirituelle. Je ne vais pas au seuil de mon existence les renier. Je les ai oubliés à une certaine époque parce qu'il fallait que je négocie ma vie. Je ne vais pas non plus négocier mon éternité en vivant sur un reniement.